au fin fond de l'univers, à des années-lumière de tiers-lieu, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir. Le capitaine Slionescu. Capitaine Fly, tu n'es pas de notre petit village, mais du fond de la nuit, Capitaine Fly, d'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver le village. Capitaine Fly, tu n'es pas de notre petit village, mais tu as traversé. Ton copain le chasseur, il y a aussi, tu vois, la douce petite fille et l'idiot du village qui ne te quitte pas. Capitaine Fly, tu n'es pas de notre petit village, mais du fond de la